إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc on continue inshallah ta'ala aujourd'hui l'explication du livre intitulé من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه. Aujourd'hui le cheikh va nous expliquer un verset de sourate Ghafir, et qui est le verset 60, et qui est un des versets très importants. يقول الشيخ حفظه الله تعالى قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ça c'est le verset 60. وقال ربكم ادعوني, et votre Seigneur dit appelez-moi ou invoquez-moi. ادعوني, qui est bien sûr du verbe da'a, le fait d'appeler, le fait d'invoquer. Donc on invoque Allah Azza wa Jalla. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, je vous répondrai. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ, et ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة أمر الرب سبحانه وتعالى عباده بدعائه ووعده الكريم بالإجابة وتوعده المستكبرين عن عبادته بإدخالهم النار صاغرين حقيرين. نعم, والدعاء يطلق على سؤال العبد ربه جلب الخير ودفع الشر وهو دعاء المسألة. طيب, الشيخ nous dit dans ce verset Allah Azzawajal nous ordonne, et comme on a compris qu'il nous ordonne et qu'il nous donne un ordre, c'est dans la formule qui est employée, c'est à dire que le verbe ici bien sûr a l'impératif, donc va nous informer de l'ordre, et cet ordre là va traduire bien sûr l'obligation. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, donc il commande à qui et il ordonne à qui? À ses serviteurs, qu'il lui fasse ou qu'il l'invoque. Bidu'a'i, qu'il l'invoque. Wa wa'aduhu, c'est-à-dire ici qu'Allah Azza wa Jal va répondre. Et c'est une promesse. C'est pour ça que le shir yaqul wa wa'aduhu, c'est-à-dire une promesse d'Allah Azza wa Jal. Regardez, Allah Azza wa Jal nous ordonne un acte et ensuite nous promet en conséquence de cet acte une chose, et qui est quoi? Yaqul wa wa'aduhu al-karim bil ijaba, c'est-à-dire la réponse, qu'il va donner fin à notre requête, qu'il va donner réponse à notre demande, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une promesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Le verset il est clair. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Par contre, ceux, comme il est cité dans le verset, innal ladhina yastakbirun al-istikbar, c'est-à-dire ceux qui vont s'enorgueillir, qui vont être pris d'orgueil, wallahu musta'an. Par rapport à quoi? An ibadati, par rapport à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, du fait qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens parmi les hommes s'enorgueillissent quand on leur dit d'adorer Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ces gens là dont Allah Azza wa Jal les a créés, sayadkhuluna jahannam madakhirin, et la réponse ici, et qu'est-ce qui va donc être la conséquence de cet acte d'orgueil qui est la pire des mécréances? Allah Azza wa Jal fallait faire rentrer dans l'enfer de manière humiliée. Dakhirin, yani sagirin, haqirin, comme il dit le shir. Tout ça bien sûr sont des synonymes. Ici, pour comprendre le verset, Allah Azza wa Jal nous dit au départ ou dans la première partie du verset wa qala rabbukum ud'uni, donc ici le dua, et ensuite il nous parle Allah Azza wa Jal de al-ibada dans sa parole. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي عَنْ عِبَادَتِي. On va comprendre de ce verset, c'est la première compréhension qu'on va avoir, on va comprendre que la dua, elle fait bien sûr partie de l'adoration. parce que dans un premier temps Allah Azzawajal nous demande de l'invoquer, et ensuite il nous dit que ceux qui vont s'enorgueillir par rapport à cela, et ici yutlaq comme yaqul le shir wa yutlaq ala al-ibada wa yutlaq ala al-ibada, c'est-à-dire ad-du'a yutlaq ala al-ibada, c'est-à-dire qu'on va l'employer pour désigner ici l'adoration. Donc c'est un point qui est essentiel et très important, et qui nous permet de comprendre à partir du verset que l'invocation fait partie de l'adoration. Et à partir de là, les savants vont diviser l'adoration en deux parties. Ad-du'a yanqasim ila qismayn. Et ce qu'on va comprendre en fait de la parole du shir, lorsqu'il nous dit wad-du'a yutlaqu 'ala as-su'al al-'abdi rabbahu jalb al-khayr wa daf' ash-sharr wa huwa du'a al-mas'ala. Donc la première catégorie, c'est du'a al-mas'ala. Ça c'est la première catégorie. Ce qu'on appelle du'a al-mas'ala, si on peut l'écrire du'a al-mas'ala, c'est la première catégorie de l'invocation. Donc du'a al-mas'ala, c'est ce qu'on pourrait traduire en fait par l'invocation qui est propre à la question. L'invocation qui est propre à la question. Et on va comprendre de toute manière lorsqu'on explique plus en détail et qu'on voit la différence qu'il y a entre les deux catégories d'invocation. Et la deuxième, donc, c'est ce qu'il nous dit le shir lorsqu'il nous dit ensuite wa yutlaqu ala al-ibada wa minhu dhikrullahi wa thana'u alayhi wa ad-du'a al-ibada rawa al-imam at-tirmidhi fi jami'i wa qala hadith hasan sahih عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدعاء والعبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم الآية. Donc on va comprendre que la première catégorie, d'après la parole du shir, que la première catégorie, et c'est la première qui nous cite le shir, on comprend dans l'ordre où il nous cite ces deux catégories. La première, c'est donc du'a ou al-mas'ala. C'est tout simplement lorsqu'on invoque Allah Azzawajal et qu'on lui demande quelque chose. De manière générale, se traduit donc, comme nous dit le shir, jalb al-khayr, c'est-à-dire demander à Allah Azzawajal l'apport d'un bien, quel qu'il soit. Ou daf' ash-sharr, et demander à Allah Azzawajal qu'il repousse un mal, quel qu'il soit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du'a ou al-mas'ala. Donc tu invoques Allah Azzawajal et tu lui demandes quelque chose. Tu vas demander donc à Allah Azzawajal quelque chose de manière générale ou de manière précise. Donc ça c'est du'a ou al-mas'ala. C'est pour ça qu'on dit al-mas'ala, qui est le fait de demander, qui est la demande. Donc ça traduit en fait, le terme traduit la signification. Du'a ou al-mas'ala, ça c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est lorsque nous dit le shir wa yutlaq ala al-ibada. C'est tout simplement du'a al-ibada, et c'est en fait l'adoration à elle-même. Lorsqu'on dit du'a ou al-ibada, c'est en fait al-ibada, c'est l'adoration à elle-même, qui va se traduire donc par, comme nous dit le shir, wa minhu, yani parmi cela, wa minhu dhikrullah, c'est-à-dire le rappel d'Allah Azza, lorsque tu te rappelles Allah Azza, le rappel d'Allah, subhanallah, etc. Le rappel d'Allah Azza, cela c'est une adoration, alayhi kadhalik, et ça rentre en fait dans ad-du'a, du'a ou al-ibada, c'est-à-dire qu'ici tu ne demandes pas Allah Azza quelque chose, mais tu invoques Allah Azza. Tu invoques, tu te rappelles d'Allah Azzawajal de par ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Wa thana'u alayh. Et également, tu vas faire donc l'éloge d'Allah Azzawajal dans cette forme d'invocation. Donc, c'est de là l'adoration pure. C'est de l'adoration pure. Et donc, à partir de là, le shir va nous rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient appuyer cette deuxième catégorie de l'invocation et qui est le hadith qu'on a cité en arabe, qui est donc rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres également, comme l'imam al-Bukhari fil adab al-Mufrad, bel ashab al-Sunan, Abu Dawood al-Tirmidhi, wa kadhalik Ibn Majah, wa l'imam Ahmed kadhalik, qui est un hadith qui est authentifié par Ibn Habban et qui est également authentifié par l'imam al-Albani, rahmatullah ala al-jami'a. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc c'est un hadith qui est rapporté par Nu'man ibn Bashir parmi les compagnons, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ad-du'a ou huwa al-ibada, c'est-à-dire l'invocation et l'adoration. L'invocation et l'adoration. Et ensuite il a cité la parole d'Allah Azza wa Jal qui est le verset qu'on étudie. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc on voit bien ici, avec la compréhension que nous donne le prophète sur de ce verset, que al-ibada, dans la deuxième partie du verset, est venue pour traduire ad-du'a dans le verbe employé ud'uni. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de là, il nous dit ad-du'a ou al-ibada, et c'est donc la deuxième catégorie de l'invocation. Donc beaucoup vous trouverez dans les livres, lorsqu'ils traitent de tout ce qui est en relation avec l'invocation, ils vont vous dire que c'est les savants vous informent que l'adoration, donc, ou plutôt que l'invocation, se divise en deux catégories. Donc du'a ou al-mas'ala, qui est donc le fait de demander à Allah azawajal quelque chose. Et bien sûr, il y a un adab à avoir parmi cela. Lorsqu'on, par exemple, on demande à Allah azawajal une chose bien précise, il y a un adab à avoir. C'est-à-dire, il y a un comportement à avoir envers Allah azawajal lorsqu'on demande quelque chose à Allah azawajal, qui rentre donc dans l'invocation propre à la question. Et donc la deuxième catégorie, donc bien sûr pour cela, pour ce qui est du adab, on pourrait en faire un cours. Et pour ce qui est de la deuxième catégorie, wa yutlaq ala al-ibada, d'après donc la parole du shirk, et donc la parole du prophète sur celle-là ensuite, wa du'a ou al-ibada, c'est l'adoration en elle-même. Ici qui va se traduire par dhikrullah, c'est-à-dire invoquer Allah azawajal, faire l'éloge d'Allah azawajal, etc. Ensuite le shirk Abdel Mohsin, il nous rapporte encore une parole de son cheikh, le cheikh Mohamed Al-Amin, rahmatullah alayh. Tout le temps, bien sûr, d'après son tafsir, Adwa'ul Bayan. Wa qala ba'dul ulama, donc ça, min kalam Mohamed Al-Amin. Qala ba'dul ulama, ud'ouni astajib lakum, u'buduni, uthibukum, an ibadatikum. Wa yadullu li hadha, qawluhu ba'da. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc, tout simplement, le shir ici, il nous explique comment on va comprendre ma'na ud'uni, c'est-à-dire dans le verset qu'on nous cite, qui veut dire donc u'buduni, c'est-à-dire adorez-moi, uthibukum an ibadatikum, et donc suivant votre adoration, je vous récompenserai. Ça, c'est la signification de la première partie du verset. Et ensuite, donc, pour prouver cela, il revient donc à la deuxième partie du verset, an ibadati. Donc, c'est comme on a expliqué. Et d'autres savants, il nous dit donc, wa qala ba'dul ulama, donc une deuxième signification. Ud'uni astajib lakum ay as'aluni u'tikum. ولا منافاة بين القولين لأن دعاء الله من أنواع عبادته من أنواع عبادتي. Donc il nous dit le shir en nous rappelant la deuxième signification ou la deuxième compréhension du verset qui est donnée par certains savants. ادعوني أي أسألوني أعطيكم, c'est-à-dire demandez-moi et je vous donnerai. طيب. Donc on voit tout simplement ici que les savants, comment ils ont interprété ce verset? Ils l'ont interprété soit suivant la compréhension de la première catégorie de l'invocation, qui est du'a ou l'ibada, donc qui va se traduire ici ud'uni bima'na u'buduni uthibukum 'an ibadatikum, tayyib. Et la deuxième signification qui nous est donnée, ou la deuxième interprétation qui nous est donnée par d'autres savants et qui traduisent ud'uni astajib lakum, qui le traduisent par as'aluni u'tikum, c'est-à-dire demandez-moi et je vous donnerai. Donc ici c'est du'a ou al-mas'ala. Et il nous dit bien sûr qu'il n'y a pas, le Cheikh Mohamed Al-Amin, il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux paroles. Pourquoi? Tout simplement parce que l'invocation d'Allah Azzawajal fait partie des catégories d'adoration. On comprend par rapport à cela que même lorsqu'on dit du'a ou al-mas'ala, c'est quand même une adoration, ça rentre dans une adoration, c'est-à-dire qu'on demande à Allah Azzawajal. Et ça rentre dans ad-du'a bi-sifat 'am, c'est-à-dire ça rentre dans le terme invocation de manière générale, donc ça rentre bien dans l'adoration. Ensuite, il va nous donner encore une deuxième faïda, le cher en plus. Yaqul. Et ça, c'est à propos donc de son explication qu'il donne, suivant, ou à propos de surat al-Baqarah. سورة البقرة فيقول وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ذكر في هذه الآية أنه جل وعلا قريب يجيب دعوة الداع وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئتي جل وعلا وهي قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الآية وقال بعضهم التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية والوعد المطلق في دعاء المؤمنين وعليه فدعاؤهم لا يرد إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر لهم خيرا منه أو يدفع عنه من سوء بقدره وقال بعض العلماء المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة الثواب وعليه فلا إشكال. طيب le cheikh tout simplement va nous donner en plus comme on a dit une deuxième faïda en reprenant un des versets du Coran qui est le suivant في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب si فإذا سألك عبادي عني si donc mes serviteurs te demandent près de moi, c'est-à-dire demandent à mon propos, فَإِنِّي قَرِيبٌ Alors je suis proche. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Donc si mes serviteurs te demandent à propos de moi, alors je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ Je réponds à la demande de celui donc qui m'invoque, lorsqu'il m'invoque. Ça, c'est la signification du verset, la traduction du sens du verset. Ici, on voit que Allah Azza wa Jalla dans ce verset, comme dans le verset précédent, il n'a pas fait suivre cette phrase ou sa parole par sa volonté. C'est-à-dire, il n'a pas dit « Inch'Allah » ou « Inch'Allah » ou « Inch'Itu ». Il n'a pas en fait fait suivre ou il n'a pas raccroché cette parole à sa volonté. Taïb, c'est ce qu'on s'aperçoit dans le verset. Et dans le deuxième verset qui va nous citer le shir, et où également il est fait part de la demande ou de l'invocation, et qui est le verset suivant, Fayakshifuma tad'una ilayhi insha'a. Donc on voit ici insha'a. Donc on voit ici Ta'liq bin Mashi'a, c'est plutôt à lui que vous ferez appel, ou puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel. Donc on voit ici, puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel, s'il veut, Insha'a. Donc ici Ta'liq bin Mashi'a, c'est-à-dire qu'il a raccroché cette parole. C'est-à-dire donc répondre à votre invocation s'il veut, Inch'Allah, de par sa volonté, Allah Azza wa Jalla, alors qu'il ne l'a pas fait dans les versets qui sont précédents. Le verset qu'on a cité, Surat al-Baqarah, et également le verset que l'on a vu. On voit bien qu'Allah Azza wa Jalla dit Astajib lakum. Ma qala astajib lakum inchit. Lakin qala astajib lakum. Alors que dans le verset, qala ici, Fayakshifu ma tad'una ilayhi Inch'Allah. Le shir va nous faire comprendre. Pour ce qui est du croyant, pour bien nous faire comprendre la différence donc entre ces deux versets, pour ce qui est du croyant, c'est ce qu'on appelle wa'd, une promesse d'Allah Azzawajal. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal jamais ne va en compte de sa promesse, ou ne tient pas sa promesse. Al-wa'd al-mutlaq fi du'a al-mu'minin, c'est ce que nous dit le shir. Donc on voit ici qu'Allah Azzawajal nous promet de manière absolue, al-wa'd al-mutlaq, de manière absolue, qu'il va donc répondre à notre invocation en étant des croyants. وَعَلَيْهِ فَدُعَاؤُهُمْ لَا يُرَتْ Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, l'invocation du croyant n'est pas rejetée, subhanallah. Ça veut dire ici que l'invocation du croyant elle n'est pas rejetée. Alors bien sûr, on va se poser la question. On va se dire, combien de fois j'ai demandé à Allah Azza wa Jal et je n'ai pas une réponse. Et là, on va venir en fait à ce que nous dit le Cheikh et qui est pris tout simplement, qu'on va le citer ensuite, Cheikh Abdel Mohsin, à la suite du livre, ou de ce chapitre, ou de l'explication de ce verset. Il va nous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous mettre en évidence, qui va nous éclaircir comment sont traitées nos invocations auprès d'Allah Azzawajal. Et on va comprendre beaucoup de choses à partir de ce hadith. Ensuite, bien entendu, ça c'est pour Dua ul Mu'minin. Est-ce que c'est ce qu'on comprend donc dans la parole d'Allah Azzawajal, fi surat al-Baqara, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. 'Ibadi 'anni fa inni qarib. Donc ça c'est pour Al-Mu'minin. Par contre, le verset qui est ensuite cité, où là c'est raccroché à Allah, la parole d'Allah Azzawajal, dans la réponse à cette requête qui va être demandée, et qui est donc raccrochée à sa volonté, Inch'Allah, le Shia va nous expliquer que c'est en fait Dua el-Kuffar. C'est ce qu'on comprend dans le contexte du verset. Lorsqu'on revient dans le contexte du verset, on s'aperçoit en fait que cette Dua, cette invocation, c'est celle du kafir, c'est celle du mécréant. Fayakshifu ma tad'ouna ilayhi Inch'Allah. Donc ça c'est dans le cas des Kuffar. Et donc dans le cas des Kuffar, Allah Azzawajal a raccroché la réponse à leur requête suivant sa volonté. C'est-à-dire peut-être il le fera, peut-être il ne le fera pas. Pour le cas du croyant, c'est wa'dun mutlaq. C'est une promesse d'Allah Azzawajal. Il nous donne également une autre alternative par rapport à l'interprétation du verset qu'on a cité. Il nous dit al-muradu bid-du'a'i al-ibada. Al-ibada. Et donc, maintenant, si on remplace donc le terme qui est employé, Ujibu da'wat al-da'i idha da'an, si on le remplace par le terme al-ibada, comme on l'a vu, donc on a vu que ce terme al-du'a, il accepte deux significations, ou on va dire plutôt deux catégories. Et si donc on lui fait accepter à ce terme la deuxième catégorie qu'on a citée, qui est du'a ou l'ibada, et qui est donc, comme on l'a expliqué, l'adoration pure, al-ibada tout en elle-même, alors ici, Ujibu, ça va être tout simplement Marna al-thawab, uthib, yani bimarna uthibu, c'est-à-dire je donne la récompense. Je donne la récompense par rapport à l'adoration qui va être faite. Ujibu da'wat al-da'i idha da'in, bimarna uthibu ibadat al-da'i. Le marna al-da'i, c'est celui bien sûr qui va faire ici l'acte de la da'wa, qui va faire donc l'acte de l'invocation. Et si c'est ici bien sûr, si on le comprend par l'adoration, c'est-à-dire Al-Abid, celui qui a donc fait acte d'adoration. Ida da'ani, bien sûr, Ida abadani, c'est-à-dire s'il m'adore. C'est comme ça donc on comprend que certains savants expliquent le verset en revenant donc à la deuxième catégorie. Et ici, Yaqul al-Shir, wa alayhi fala ishkal. Ici donc, bien entendu, il n'y a pas de ishkal, tout simplement parce que si la personne fait une adoration envers Allah Azzawajal, alors Allah le récompense, lui donne sa récompense. Aussi c'est une wa'd. Donc à partir de là, il n'y a plus de ishkal. Il n'y a plus d'ambiguïté par rapport à ce verset. Donc ensuite, le shi'al va nous citer. Donc on a vu que c'était un wa'd min Allah Azzawajal. Et ça, il faut avoir le yaqin. C'est-à-dire, il faut avoir la certitude que lorsque tu invoques Allah Azzawajal, bien sûr avec les conditions requises, bi ikhlas, avant toute chose, avec une sincérité, une pureté, une intention qui est pure, une sincérité dans l'intention, alors sache qu'Allah Azzawajal répond à ton adoration, ou qu'il répond à ton invocation. Et comment il va y répondre, Allah Azzawajal, à cette invocation? Comme on a dit, si on dit ça aux gens, automatiquement ils vont nous dire combien de fois j'ai fait des invocations et je n'ai pas eu de réponse. Et en fait, il y a eu une réponse, si tu l'as fait avec les conditions requises. Mais comment elle a été traitée, ta réponse? Et c'est là le hadith que va nous répéter le shir et qui va donc nous traduire cela, ou qui va nous expliquer cela. Yaqul le shir Abdel Mohsin, au fi musnad al-imam Ahmed. Et bien sûr, cette parole-là, il l'a dit sans rappeler le hadith lui-même, shir Mohamed al-Amin, mais il a tout simplement rapporté les trois cas qui vont être donc cités ici dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique. Au fi musnad al-imam Ahmed, bi isnadin hasan, donc qui est une chaîne de transmission considérée comme bonne, taban aqal darajatan min min as-sahih, qui est bien sûr un degré en dessous du hadith, qui est considéré comme sahih au niveau de l'istilah, au niveau des conventions dans la science du hadith. Hassan. An Abi Sa'id an al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, قال: ما من مسلمين يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة الرحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. Le prophète sallam en ce hadith qui nous est rapporté de parmi les compagnons par Abi Sa'id radiyallahu ta'ala an, qu'Allah l'agré, et qui nous dit le prophète sallam: ما من مسلمين يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة الرحم. Il n'y a pas un musulman sans qu'il invoque de par une invocation, et dans cette invocation, bien sûr, il va nous donner une condition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laysa fiha ithmun. Il n'y a pas à l'intérieur de cette invocation, bien entendu, un péché. C'est-à-dire que tu te l'invoques par Allah Azzawajal, tu demandes par Allah Azzawajal ce qui va être en relation avec un péché. Wala qatiyatu rahim. Wala qatiyatu rahim. Et également, il n'y a pas à l'intérieur de cette invocation la demande de couper un lien familial, un lien parental. Si ces deux choses sont écartées, illa a'ta'allahu biha ihda thalath. Alors à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla, sans qu'Allah Azza wa Jalla leur donne une de ces trois choses. Donc ici, on va voir comment est traitée là l'invocation. Une de ces trois choses, Il y a trois cas dans la réponse de l'invocation qui est un wa'd, qui est une promesse d'Allah Azza wa Jalla. La première: imma an tu'ajjala lahu da'watu. Soit son invocation lui est donnée directement. Donc là, c'est le cas où on a invoqué Allah Azza wa Jalla et on a vu notre invocation qui a été exaucée devant nos yeux. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a exaucé cette invocation. Ce qu'on a demandé, il nous est venu. Tayyib, iman tu'ajjala lahu da'watu. C'est la première chose. La deuxième chose, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Soit elle est mise de côté pour lui, dans son intérêt, dans l'au-delà. Et bien entendu, ce jour, Yom al-Qiyamah, ce jour-là, le jour du jugement, on va avoir tellement besoin de ce qui va nous être mis de côté par rapport à nos invocations. Donc ça, c'est une invocation où la réponse qui a été faite à cette invocation, elle s'est traduite, ou elle a été traitée de cette façon. Allah Azza wa Jalla l'a mis de côté pour toi le jour du jugement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été perdue, cette invocation. Allah Azza wa Jalla t'a promis, donc elle n'a pas été perdue. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Ça, c'est la deuxième. Et ensuite, la troisième: wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Soit il va écarter de toi un mal. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il va répondre à ton invocation en écartant de toi un mal. Toi, tu as demandé quelque chose, Allah Azza wa Jalla ne te l'a pas donné, comme dans le premier cas, an tu'ajjala lahu da'watu, mais de par cette invocation, il va t'écarter un mal qui t'était prédestiné. An yasrifa anhu min su'i mithlaha. Donc ça, c'est le troisième cas. Donc, soit l'invocation, Allah répond à son invocation directement, soit il la met de côté le jour du jugement, c'est-à-dire fil akhirah, ou soit il écarte un mal de par cette invocation. Qalu idhan nukfir. Alors ils ont dit, les sahaba, idhan nukfir, c'est-à-dire qu'on va demander encore plus à Allah Azza wa Jalla, si on sait que notre invocation est automatiquement acceptée et qu'elle va se traduire donc, qu'elle va être traitée de ces trois manières qu'on a citées. Alors ils ont dit à ce moment-là, les sahaba, qalu idhan nukfir, qalu Allahu akfar, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla akfar, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla va vous donner autant que vous demanderez. Allah Azza wa Jalla, autant vous demanderez, autant que vous donnera Allah Azza wa Jalla. Donc ça, c'est pour comprendre ici ce qui est en relation avec la dua. Et donc, adha min al-jahl, c'est donc de l'ignorance de dire que ma da'wa, l'invocation que j'ai fait à Allah Azza wa Jalla, Allah n'y a pas répondu. Peut-être qu'elle a été mise de côté, ou peut-être qu'Allah Azza wa Jalla, de par cette invocation, t'a écarté à mal. Wallah al-musta'an. Ensuite, le second verset que le shir il traite, que l'on traite aujourd'hui, à partir du livre du shir, c'est fait surat fussilat. Surat fussilat. Yaqul shir, rahmatullah alayh, wa rahimallah, wa hafidhallah, wa kullu hadha yasih. قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. C'est le verset numéro 19 et le numéro 20. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera. يوزعون, c'est-à-dire on les poussera dans la direction du feu. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Alors quand ils y seront, leur oui, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Allah musta'an. يقول الشيخ أخبر الله عز وجل عن أهل النار أنهم يحشرون ويساقون إليها ويجمع أولهم وآخرهم ويقذفون في النار كما قال الله عز وجل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وقال ويوم يدعون ويوم يدعون إلى النار جهنم دعا. Il nous dit le shir ici qu'Allah Azzawajal nous informe des gens du feu qui nous vont être réunis et qui vont être conduits au feu de l'enfer, et que le premier d'entre eux et le dernier d'entre eux seront réunis et qui seront jetés dans le feu. Allah Al-Musta'an. Comme a dit Allah Azzawajal, on assouqu al-mujrimin ila jahannam wirda, et pousseront les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Wirda, comme est venue l'explication du terme wirda d'après Ibn Abbas ou Mujahid ou Qatada et d'autres encore, yani itashan wirda, comme c'est traduit comme à l'abreuvoir, comme des gens qui viennent en fait avec fatigue et qui viennent auprès d'une chose comme s'ils voulaient boire, ils voulaient s'abreuver en état donc d'assoiffement. وَيَوْمَ يُدَّعُونَ إِلَى النَّارِ جَهَنَّمَ دَعَى. Le jour ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Et il nous dit Allah Azza wa Jalla dans ce verset également, lorsqu'ils vont être auprès du feu, وَقَفُوا عَلَى النَّارِ, ils vont témoigner quoi? Leur oui, leurs yeux, leur peau, bi'a'malihim, de leur action. Il nous dit, le shir va nous rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est fi sahih muslim, an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an qal kunna inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fadahika faqala hal tadurun mimma abhak qala kunna wallahu wa rasulu a'lam قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي قال فتنطق بأعماله فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكنا وسحكا فعن كنا كنت أناضل. Dans ce hadith qui nous a rapporté donc par Anas ibn Malik, qui dit qu'on était auprès du prophète sallam, alors il s'est mis à rire, le prophète sallam, bahika. Et à ce moment-là, il leur a dit aux compagnons, vous savez pour qu'est-ce qui m'a fait rire? De quoi je ris? Et ils ont dit donc bien sûr les compagnons, Allah wa Rasulu a'lam. Allah et son prophète sont plus savants. Qala min mukhatabati al-'abdi rabbah, c'est-à-dire de ce que va dire al-'abd, donc l'esclave, à son seigneur. C'est-à-dire la conversation qu'il va avoir entre l'esclave et son seigneur. Yaqul, qu'est-ce qu'il va dire à l'esclave ? Ya Rab, alam tujirni min al-zulm. C'est-à-dire que tu n'es pas, yani, tu as bien sûr empêché qu'une personne lui soit fait zulm de ta part. C'est-à-dire, bien entendu, ici on comprend que Allah Azzawajal, il ne fait pas de zulm, il ne fait aucune injustice à ses esclaves. Il ne fait aucune injustice à ses esclaves. Qal yaqul bala, Allah Azzawajal lui dira, bien entendu. Alors il va lui dire, fa'ini la ujizu ala nafsi illa shahidan minni. Alors je ne permettrai donc pas qu'un autre témoigne par rapport à moi. C'est-à-dire je serai le seul témoin de moi-même. Je ne veux pas qu'il y ait un autre témoin par rapport à ma propre personne. Alors, fa'yaqul kafa bi nafsika al-yawma 'alayka shahidan. Alors, il te suffira. Toi-même va te suffire ce jour-là en tant que témoin. Et également bil kiram al-katibin shuhudan, ceux qui ont écrit bien sûr parmi les anges, ceux qui écrivent nos actes. Fayukhtam 'ala fi, c'est-à-dire à ce moment-là sa bouche va être fermée. C'est-à-dire qu'elle va être scellée sa bouche. Il ne pourra plus parler. Fayuqal li arkani, c'est-à-dire li jawarihi. C'est-à-dire qu'on va dire donc à ses membres, les arkani, les jawarihi, on va dire à ses membres, intiqi, c'est-à-dire parler. Parler. Alors à ce moment-là, elles vont parler de ce qu'elles faisaient. Bi amali, ce qu'elles faisaient. C'est-à-dire ce que la personne faisait de par ses membres. Thumma yukhalla bayna wa bayna al-kalam, c'est-à-dire qu'ensuite donc on va lui permettre à ce moment-là de parler. Et lui il va dire bu'dan la kunna wa suhkan, c'est-à-dire bu'dan wa suhkan yani loin de moi. Fa'an kunna kuntu unadil, c'est-à-dire à propos de vous, c'est-à-dire par rapport à mes membres, par rapport à vous ou mes membres, j'étais donc en train de yani unadil bimarna udafir wa ujadil, c'est-à-dire j'étais en train de débattre donc à propos de vous. Allah al-Musta'an. Ensuite le shir, il va nous rappeler une règle ici, qui est une règle de grammaire et que l'on retrouve ici dans le Coran et qui se trouve dans cette parole hatta idha ma ja'uha. Ici on a ma tayyib hatta idha ma ja'uha. Donc ici on a ma qui se trouve entre idha et qui se trouve entre le verbe ja'uha. Il nous dit le shir za'idatun li ta'kid al-kalam. Bien sûr, il faut savoir que le al-ma, au niveau de la langue arabe, il y a plusieurs catégories. Il y a al-ma nafia, il y a al-ma al-mousoula, et ici il y a al-ma zaïda. Donc il y a plusieurs catégories de ma. Donc comment on va savoir? On va tout simplement comprendre ici que al-ma, c'est bien sûr zaïd, l'ita'kid al-kalam. Bien entendu, lorsqu'on dit zaïd, c'est-à-dire quelque chose qui est supplémentaire. Mais bien entendu, dans le Coran, rien n'est supplémentaire sans aucune sagesse. Et donc ici les savants bien entendu ils disent l'ita'kid al-kalam, c'est-à-dire pour appuyer la parole. C'est donc ici pour appuyer la parole, l'ita'kid al-kalam. Taïb, il y a beaucoup d'exemples par rapport à cela. Donc il ne faut pas comprendre, il ne faut pas confondre ici le ma bi al-mansoula qui serait par bi ma'na al-ladhi, ou alors le confondre par ma al-nafia qui serait par bi ma'na al-la. Non, il faut comprendre tout simplement que c'est supplémentaire. C'est-à-dire qu'on aurait dit hatta idha ja'uha, ça aurait été la même signification que si on avait dit hatta idha ma ja'uha. C'est pour ça que lorsqu'on revoit la traduction, alors quand ils y seront. Alors quand ils y seront. Taïb. Et cette règle-là se trouve beaucoup dans le Coran. Et cette règle-là, elle est claire, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve idha, et qu'on trouve après ma, et ensuite le verbe, il faut savoir que ma ici sera toujours za'ida. C'est-à-dire lorsqu'elle vient après idha, ma, elle est toujours Zaïda. Taïb, donc elle ne va pas être de l'ordre de Al-Mousoula ou de l'ordre Al-Nafia. Et les exemples qu'il va nous donner, il y en a plusieurs. Le Shari nous les donne et ça nous permet de comprendre le Coran. C'est-à-dire que lorsqu'on va lire le Coran, on va donc pouvoir faire la différence. Ah, il y a le Ma qui est venu après Ida, donc on sait qu'ici c'est Zaïda. Wa yufid ta'kid al-kalam. Ta'na'am. Ka'qawlillah azza wa jal wa la ya'aba. وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. C'est le verset 282. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا, يعني بمعنى ولا يأبى الشهداء إذا دعوا, إذا دعوا. طيب, c'est pour ça qu'on le traduit, et que les témoins ne refusent pas quand ils seront, quand ils sont appelés, ne refusent pas quand ils sont appelés. Également, un autre verset qui nous cite le shir, أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ. Donc, bimarna, أَثُمَّ إِذَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ. Donc on voit ici également أَمَّا زَائِدَ لِتَأْكِيدِ الْكَلَمِ. Donc on voit également dans le verset précédent et celui-là, que le ma est venu après Ida. Ça, c'est surat Yunus, c'est le verset 51. Et encore un autre verset qui nous cite le shir, il y en a plusieurs, c'est le dernier verset qu'on l'en prend, pour s'en rappeler de cette règle. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Donc on voit ici, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ ثاني بمعنى وَإِذَا أُنْزِلَتْ مَا زَائِدَ لِتَأْكِيدَ الْكَلَامِ وَهَكَذَا. Donc on voit à chaque fois dans les exemples qu'il y a avant le ma, ida. Ensuite également le shir va nous rappeler un point qui est important également, et il nous dit que le verset que l'on a étudié, on trouve également un qui est semblable par rapport à cette signification, qui se trouve sur la Tunur et le verset 24. يقول الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Ça c'est fait sur la Tunur, donc le 24. Naam. Et donc, ça va dans le même sens que le verset, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc, nos mains, nos langues, nos pieds ont témoigné, donc nos membres. Et également, fi surat Yasin, qui est le verset 65, encore un autre verset qui va dans le même sens. Et qu'on Allah Azza wa Jal, Al-Yawma yakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arujuluhum bima kanu yaksibun. C'est fait sur la Yasin, le verset 65. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et il nous dit ici, le shir, tout simplement, que les corps qui vont être ressuscités, ce sont donc les corps que l'on avait dans cette vie d'ici-bas. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, wa fi shahadati arba al-insani alayhi bi a'mali allati amilaha fi dunya dalilun. Donc on voit ici que les corps qui vont être ressuscités sont donc les mêmes corps, les mêmes corps. Et il nous donne aussi également une preuve et un hadith qui est rapporté par l'imam al-Muslim et avant lui l'imam al-Bukhari également, et qui est l'histoire bien sûr de la personne qui a demandé à ses enfants que l'on brûle son corps et que l'on jette une partie de son corps dans la terre, sur la terre, et une partie de son corps dans la mer. Et donc vous savez qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala bi qudratihi al-kamila, de par sa pleine puissance, Allah Azza wa Jal va dire à la mer de refaire sortir ce qui s'y trouve, et également la terre bien sûr par rapport aux cendres de ce corps qui a été brûlé ensuite jeté en plusieurs parties. Hatta aad al-jasad kama kan, jusqu'à que le corps va revenir comme il était, jusqu'à que le corps va revenir comme il était. Donc c'est le même corps que la personne avait, et c'est ce corps-là qui va être ressuscité. Allah al-musta'an. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.